LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. On a des lapins à crevettes et à crabes. Les sèches mangent des proies vivantes. Donc on a nos petites réserves de proies qui sont collectées directement sur la plage, ici à Luc-sur-Mer. Donc ça fait partie des enrichissements qu'on peut proposer aux animaux d'élevage, en tout cas de se placer le plus près de leur comportement qu'elles auront en milieu naturel. Le génie du vivant. Pour elles, c'est extrêmement important de chasser, de manipuler une proie vivante, notamment pour les crabes. Elles doivent apprendre à contourner le crabe pour ne pas se faire pincer, sauter par-dessus, bloquer les pinces, injecter une toxine et ensuite seulement le consommer. Alors que si la proie est directement congelée, on perd toute cette richesse du comportement prédateur, ce qui ne serait pas effectivement le plus approprié pour des animaux en élevage. C'est quelque chose qu'elles apprennent ou c'est quelque chose d'inné ? Elles l'apprennent. Elles l'apprennent, les bébés sèches se font pincer plusieurs fois avant de comprendre comment il faut contourner le crabe. Mais les bébés n'hésitent pas à aller directement sauter sur le crabe directement par l'avant et elles se font directement pincer. Donc elles apprennent ça avec l'expérience. C'est pas leur mère qui leur apprend. Non, alors la mère va pondre ses œufs et une fois qu'elle aura fini sa ponte, elle va s'éloigner. Après, les petites sèches vont apprendre par elles-mêmes les changements de coloration aussi. Elles sont capables de voir leur propre dos. Elles vont comparer leur couleur aux couleurs du fond. Et finalement, faire différents essais, on les voit un peu clignoter comme ça, les bébés sèches, clignoter jusqu'à trouver la bonne couleur, et hop, elles s'arrêtent. Et avec l'expérience, elles seront beaucoup plus efficaces. Les céphalopodes sont très souvent cités comme étant des animaux qui répondent très bien aux tests sur les capacités cognitives. Christelle José Alves, au laboratoire de Luc-sur-Mer, travaille sur les sèches et leur intelligence. Or, ce terme d'intelligence, tout le monde le comprend, mais chacun à sa manière. On le perçoit comme un avantage dans le monde du vivant, comme si la méduse était défavorisée par rapport aux primates. Pourtant, l'animal aquatique a 650 millions d'années d'évolution, faisant ainsi ses preuves de survie face aux plus grandes extinctions. Ce que nous définissons comme l'intelligence, est-ce la quintessence du vivant? Est-ce le chemin évolutif le plus performant pour un succès démographique? En approchant des spécialistes de plusieurs disciplines, nous verrons comment le même mot a pu véhiculer différents concepts. Pour commencer, retournons en 1951 avec Jean Piaget. Sa formation polyvalente, reliant notamment la psychologie et la biologie, l'ont amené à s'intéresser au développement intellectuel de l'enfant, d'une manière originale, n'intéressant pas seulement les pédagogues. Cherchons d'abord à définir l'intelligence en la situant dans l'ensemble des fonctions mentales. La psychologie moderne a renoncé, comme on le sait, à la notion de faculté, c'est-à-dire à croire que l'esprit est réparti en casiers séparés par des cloisons étanches, un casier pour le savoir, pour le sentir, pour le vouloir. La psychologie moderne a même renoncé à caractériser son objet par la conscience. Elle est une étude des conduites, conduites y compris la conscience bien entendu, mais plus large que la conscience. On peut par exemple étudier l'intelligence animale ou l'intelligence du nourrisson dont nous ne savons rien quant à leur degré de conscience. Nous nous basons simplement sur leur conduite. Or, toute conduite est à la fois connaissance et affectivité. Par exemple, le raisonnement mathématique, qui paraît le modèle de la conduite purement intellectuelle, est en réalité plein de sentiments. Il faut un intérêt, il faut de l'effort, il y a des plaisirs, des peines, des sentiments d'harmonie, d'esthétique, etc. À l'autre extrême, un sentiment amoureux suppose des éléments cognitifs, des éléments de perception, de discrimination, de compréhension. L'affectivité et la connaissance sont donc deux aspects indissociables de toute conduite. On peut dire que l'affectivité constitue la dynamique de la conduite, le réglage des forces de la conduite, comme l'a montré Janet, tandis que l'intelligence serait, ou plutôt la connaissance au sens plus large, serait la structure de la conduite, c'est-à-dire l'ensemble des rapports entre le sujet et les objets de la conduite. Mais toute connaissance n'est pas intelligence. Il y a des structures perceptives, il y a des images, il y a des adaptations motrices, etc. Comment donc définir l'intelligence au sein des fonctions cognitives? Cela est fort difficile. Par exemple, Claparède a cherché à définir l'intelligence par le tâtonnement. Il répartit les conduites en trois groupes. L'instinct, adaptation héréditaire aux situations qui se répètent. L'habitude, adaptation acquise aux situations qui se répètent. Et l'intelligence, adaptation à des situations nouvelles et exigeant par conséquent un certain tâtonnement. Mais pour d'autres auteurs, le tâtonnement est au contraire à exclure de l'intelligence. Par exemple, Bühler répartit également les conduites en trois groupes, l'instinct, le dressage et l'intelligence, mais il fait rentrer le tâtonnement dans le dressage et réserve au terme d'intelligence les conduites dans lesquelles il y a compréhension immédiate, soudaine, sans tâtonnement. Pour Köhler également, le tâtonnement est à exclure de l'intelligence, c'est une sorte de substitut d'ersatz de l'intelligence. Eh bien, qui a raison? Tous les trois, ou aucun? Je veux dire par là que le problème me paraît dénué de signification, il n'y a pas de critère absolu dans un sens statique. L'intelligence se définit par le développement et non pas par un critère absolu, il n'y a pas de limite inférieure, autrement dit, à l'intelligence. Elle est un processus d'organisation qui englobe l'ensemble des fonctions cognitives et qui tend vers une certaine forme d'équilibre, qui marche vers certaines formes d'équilibre terminal. L'intelligence embrasse donc toutes les fonctions cognitives jusqu'à l'achèvement d'une logique, mais on ne peut la définir que par son orientation ou sa direction. Cette définition de Jean Piaget répond donc en partie à mon interrogation. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot « intelligence » La rencontre avec l'autre vivant n'est possible que si, et seulement si, nous sommes en capacité d'appréhender ce que nous appelons l'intelligence animale. Je me rappellerai toujours de ma première rencontre avec une pieuvre. N'étant pas habitué, pas armé pour ce face-à-face, j'ai tenté, assoiffé de curiosité, de l'approcher rapidement. Effrayée par mon engouement excessif, elle s'est évidemment immédiatement cachée derrière un gros rocher. Je la pensais partie, retournée vers la prairie de Posidonie voisine. Mais non, en contournant le bloc, elle m'observait, débutant ainsi peut-être une partie de cache-cache interespèce, ou tout simplement, elle aussi, animée par une boulimie d'expérience. Elle voulait savoir, connaître, en somme, vivre son intelligence. Mais poursuivons notre enquête avec le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, Bruno David. Alors, essayer de définir l'intelligence d'une salade, ça va pas être simple. Je pense qu'il y en a pas, d'ailleurs. Est-ce que le fait que des arbres soient capables de communiquer entre eux, à travers leurs racines, à travers leurs champignons symbiotiques, à travers des molécules qu'ils sont capables de produire en cas d'agression, est-ce que c'est une forme d'intelligence? Je ne sais pas. C'est un comportement, pour moi, plus que de l'intelligence. La définition de l'intelligence... J'aurais tendance à la réserver à des animaux dotés d'un système nerveux central qui leur permet de faire face à des situations un petit peu bizarres. Ça sert à se tirer d'embarras quand on est dans une situation critique. Ça sert à communiquer, à se nourrir, à se reproduire, à s'échapper, à vivre tout simplement. Mais je suis un peu embarrassé par rapport à ce terme parce que on voit vraiment midi à notre porte. En gros, on définit notre intelligence humaine comme notre capacité d'abstraction à résoudre des problèmes complexes. Si c'est ça, l'intelligence. Michel Kreutzer, éthologue. Alors, l'intelligence, moi, quand je suis arrivé en psychologie à Nanterre, ça faisait l'objet d'un vaste débat. Parce qu'il y avait la question du quotient intellectuel. Est-ce qu'il y avait un indice général d'intelligence où il y avait des intelligences et des intelligences pratiques, des intelligences abstraites, des intelligences créatrices dans le domaine des arts, etc. Des intelligences sociales et de l'empathie vis-à-vis des autres. Voilà. Donc il y avait ce débat. Et beaucoup d'expériences qui étaient faites sur les animaux recherchaient quelles étaient leurs capacités à résoudre des problèmes. Ceux qui pouvaient résoudre des problèmes plus complexes que d'autres étaient considérés comme plus intelligents. Immédiatement, le terme m'est apparu comme difficile à utiliser. Difficile à utiliser parce que une partie des résultats des expériences qu'obtenaient les psychologues comparatistes étaient liées aux possibilités de familiarité qu'avaient les animaux. Dès l'instant où un animal qui arrive à être familier avec les humains ou apprivoisé, c'est plus facile de le mettre dans une situation expérimentale. Si vous avez un animal qui, au contraire, n'est pas, il s'ébouriffe, si c'est un oiseau, il se remet dans un coin, il a tellement peur et terrorisé qu'il n'entre pas dans le processus expérimental. Donc les résultats n'étaient pas liés simplement aux capacités intellectuelles, disons, avaient les animaux, mais également à la situation dans laquelle on les mettait. Donc l'auteur dit, mais l'intelligence, il faut regarder un petit peu en nature les problèmes qu'ont à résoudre ces animaux. Or aujourd'hui, par exemple, vous prenez un cas particulier qui est celui des oiseaux. Quelles sont les espèces d'oiseaux considérées comme les plus intelligentes? Ce sont les corvidés. Bon. Après, quand vous regardez les vocalisations des oiseaux, vous apercevez que les oiseaux chanteurs, qui ne sont pas considérés comme les plus intelligents, ont des capacités d'apprentissage de chant qui sont bien supérieures aux capacités vocales que possèdent les corvidés. Si vous prenez d'autres oiseaux comme les tisserins, qui sont capables de faire jusqu'à 12 types de nœuds lorsqu'ils construisent leur nid, vous ne trouvez pas l'équivalent chez les corvidés. Donc la notion d'intelligence, elle n'est pas facile à manier. Moi, j'ai préféré la cognition justement parce que, avec un terme nouveau, on pouvait se dire on va mettre quelque chose de nouveau. L'intelligence, pour moi, c'est quelque chose qu'on mesure. C'est une performance qu'on mesure de l'animal. Ludovic Dickel. Ce que l'animal va être capable de faire pour parvenir à ses fins. Par exemple, pour résoudre un labyrinthe ou pour aller chercher une récompense dans une situation complexe. Ou pour migrer, pour trouver la meilleure route pour migrer, pour aller d'un point A à un point B. Mais l'intelligence est quelque chose qui se mesure. Et ça diffère de la cognition, qui est quelque chose qui, par définition, ne se mesure pas. C'est la façon dont l'animal se représente son environnement. Quelle image il a de son environnement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur un double décimètre. Quand on étudie l'intelligence, on va vraiment étudier les performances d'un animal dans un contexte particulier. Les poulpes sont par exemple extrêmement performants pour imiter la couleur du substrat, beaucoup plus que moi. Si vous me mettez sur un quadrillage, ça va prendre assez longtemps pour que j'imite la couleur du quadrillage. Par contre, je pense être un petit peu plus cognitif que la pieuvre d'une façon globale. Les représentations que je construis de mon environnement sont plus complexes que celles de la pieuvre, j'imagine. Quand on mesure l'intelligence, on le mesure toujours par rapport à l'intelligence humaine. Ah, la sèche est capable de faire ça, la pieuvre est capable de faire ça, la méduse est capable de faire ça. C'est presque aussi bien que l'humain. La cognition peut être complètement différente, et la représentation que l'animal a du monde peut être complètement différente de la nôtre. Si vous voulez connaître comment une méduse se représente le monde, là, il ne faut pas trop étudier son intelligence, il faut plutôt étudier ce qu'elle est capable de percevoir de son environnement. Alors l'intelligence, on s'en donne en général en éthologie une définition assez simple, c'est la capacité de résoudre des problèmes. Étienne Bimbenet, philosophe. En disant cela, on démystifie cette idée un peu lourdement métaphysique que l'être humain serait le seul intelligent. Enfin, on faisait voisiner l'intelligence du côté de la raison, de la pensée. C'est pas du tout le cas. L'intelligence, c'est une intelligence pratique, c'est une résolution de problèmes, et donc elle est d'abord animale. Elle est d'abord animale avant d'être humaine. Si ensuite elle se complexifie avec la science ou la technique humaine, c'est toujours la même logique pratique en réalité. Et donc l'intelligence nous situe du côté de la vie pratique animale, à la différence sans doute de la raison, par exemple, qu'il faut bien distinguer. Hein, la raison, elle est communicationnelle, c'est le fait de parler, de commenter le monde entre nous, etc. Et là, il y a un geste spécifiquement humain, très spécifiquement humain. Autant la raison est spécifiquement humaine, autant l'intelligence est spécifiquement animale. Et dans nos intelligences pratiques, aussi perfectionnées soient-elles, qu'elles passent par le numérique, par l'ordinateur, etc., nous sommes très animaux en quelque sorte. Et si aujourd'hui nous instaurons avec le numérique des résolutions de problèmes incroyablement sophistiquées, tout cet environnement numérique, d'ordinateur, pourrait nous croire que nous sommes dans un environnement humain, c'est faux. On est très animal dans nos intelligences numériques. On poursuit un rapport pratique au monde, hein, qui est en nous la part d'animalité. Donc il faudrait bien voir que l'intelligence nous animalise aussi perfectionnée soit-elle, là où la raison aussi basique soit-elle, hein, La raison, ça peut être un enfant qui montre du doigt une chose à l'adresse d'autrui. Il est déjà dans la communication, dans son sens spécifiquement humain. C'est très élémentaire, mais c'est déjà de l'humain. L'enfant qui montre du doigt, il est déjà dans l'humain. L'adulte qui numérise sa vie de manière incroyablement sophistiquée, il est très animal. L'intelligence, pour moi, c'est la pensée. Yves Christen, biologiste. Ça relève de la pensée. Et pour qu'il y ait une pensée, jusqu'à preuve du contraire, il faut qu'il y ait une machine capable de penser. Ça s'appelle un cerveau, un système nerveux. Je n'arrive pas à concevoir la possibilité d'avoir une pensée en l'absence de système nerveux. On peut faire des tas de choses intelligentes. Par exemple, vous savez que dans la savane, certains acacias sont capables d'émettre, lorsque les girafes dévorent les feuilles, d'émettre des substances chimiques qui sont captées par les arbres d'à côté, qui vont donc émettre également tout de suite des terpènes pour que les girafes évitent de venir les grignoter. Donc c'est un comportement, j'allais dire, subtil, futé, pas bête, mais en tout cas, il n'est pas besoin d'élaborer quelque chose comme une forme de pensée pour, voyez, aborder ce type de choses. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être différencier l'intelligence de la cognition. Ah oui, la cognition, c'est un ensemble de choses. Parmi l'ensemble de ce qui relève de la cognition, par exemple l'empathie, les émotions, il y a plein de comportements adaptifs qui relèvent de la cognition et qui ne sont pas de l'ordre de la pensée, en tout cas de la pensée abstraite, voyez. Si je prends l'exemple de la métacognition, quand un animal vous dit qu'il sait qu'il sait, c'est quand même une opération qui relève de la pensée. Je n'imagine pas un végétal savoir qu'il sait, et moins encore qu'on puisse le lui faire dire. Le fait d'élaborer un raisonnement, ça n'est pas tout à fait la même chose que d'être capable d'apprendre que c'est plus efficace de partir à gauche dans un labyrinthe plutôt que de partir à droite. On n'est pas exactement dans le même processus cognitif. Retournons avec les sèches de Christelle José Alves au laboratoire de Luc-sur-Mer tenter justement un test dans une sorte de labyrinthe. On peut s'approcher du labyrinthe. Où sommes-nous ici? Alors ici, on est dans l'élevage de la station marine à Luc-sur-Mer et c'est l'endroit où on va faire tous les tests comportementaux sur les sèches. Et plus particulièrement, ce qui me concerne, je m'intéresse aux capacités cognitives chez la sèche. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Alors, c'est un terme que, pour ma part, j'évite d'utiliser. Je vais plutôt parler de capacités cognitives et je vais dire qu'elles seront plus ou moins complexes. D'accord. Sachant qu'un animal peut avoir des capacités cognitives complexes dans un domaine et peut-être moins dans un autre domaine. Si je prends l'exemple de la sèche, par exemple, ce n'est pas un animal social. Donc si je veux tester ses capacités cognitives sociales, eh bien forcément, je vais trouver des compétences qui sont relativement limitées. Parce que reconnaître un congénère au niveau individuel, ça n'a pas beaucoup de sens puisque ce n'est pas un animal qui vit en groupe. En revanche, la sèche sait faire des choses assez extraordinaires dans d'autres domaines de la cognition. Alors, qu'est-ce que vous allez tester là devant nous? Alors, ce qu'on va tester, c'est ce qu'on appelle la planification. Il y a une capacité cognitive qui est très importante, pour nous en tout cas, en tant qu'humains et chez beaucoup d'espèces animales, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de faire quelque chose maintenant parce que je sais que je vais en avoir besoin plus tard. Et en fait, pour ça, on va mettre en balance deux besoins. Une sèche, elle a toujours besoin de se cacher. Elle aime bien l'ombre, elle aime bien se camoufler, parce qu'elle n'a pas de moyens de défense très, très pointus si elle se fait attaquer. Donc la meilleure défense, ce serait de ne pas se faire voir et de ne pas se faire repérer. Donc ça, c'est un besoin qu'elle a toujours. Par contre, le besoin de manger, elle ne l'a pas toujours. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va, lui donner à manger. Elle pourra manger autant qu'elle veut. Et ensuite, on lui proposera un choix. Est-ce que tu veux aller te cacher ou est-ce que tu veux aller dans ce compartiment-là où il y a de la nourriture? Normalement, une sèche devrait aller effectivement là où il y a un abri, puisqu'elle a bien mangé, elle va aller dans l'abri. Sauf que si elle choisit l'abri, elle y restera jusqu'au lendemain. Elle ne pourra pas faire le chemin inverse, du coup. Elle ne pourra pas faire le chemin inverse. Donc dans cet abri-là, elle n'aura pas accès à manger si elle veut remanger cette nuit, par exemple. Donc normalement, lorsque je refais la même expérience le jour d'après, si la sèche a compris ce qui s'est passé, elle va manger à satiété. Mais lorsque je lui proposerai « Est-ce que tu veux un abri ?» ou un compartiment avec la nourriture. Elle devrait choisir le comportement où il y a de la nourriture, pas parce qu'elle a faim maintenant, mais parce qu'elle sait que cette nuit, elle sera bien contente d'avoir de la nourriture, alors que finalement, comme ce sera la nuit, l'ombre, elle l'aura déjà. C'est l'expérience d'aujourd'hui. Très bien. On pose souvent la question, est-ce que l'animal sur lequel vous travaillez est intelligent ? J'ai pas de réponse toute faite. Anne-Sophie Darmaillac. Moi, je travaille sur leur capacité d'adaptation. Est-ce que le fait d'être capable de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire est quelque chose d'intelligent ? En ce sens, les sèches peuvent être intelligentes parce qu'elles arrivent à changer la couleur de leur peau en quelques millisecondes. Et ça, il y a plein d'espèces animales qui ne savent pas le faire. Pourquoi l'évolution se tourne vers l'intelligence, enfin vers les capacités cognitives performantes ? Alors, l'évolution ne se tourne pas forcément vers les capacités cognitives performantes parce qu'il y a plein d'espèces animales qui ont traversé les ères évolutives successives et qui n'ont pas des comportements particulièrement perfectionnés ou intelligents. Peut-être la moule ou l'huître ou des organismes... Alors je les cite parce qu'ils font partie de la grande famille des mollusques comme les céphalopodes. Et pour autant, ils étaient présents avant nous et ils seront sans doute présents après nous. C'est peut-être plus que ça fascine les gens de voir des changements de couleur, des captures de proies spectaculaires que de juste voir un bivalve qui va s'ouvrir, se fermer, filtrer l'eau. Mais je pense que c'est vraiment une question d'humain. Les autres espèces animales ne se questionneraient sans doute pas sur notre intelligence à nous. On va aussi chercher les espèces qui répondent le plus facilement à nos questions. On ne va pas intuitivement aller questionner l'intelligence chez un papillon ou chez un ver de terre. On va aller vers les espèces qui spontanément montrent des comportements un peu sophistiqués, les oiseaux qui cachent de la nourriture, les animaux qui utilisent des outils pour casser, pour avoir accès à de la nourriture aussi. Mais en fait, plus on en étudie, plus on se rend compte que c'est pas la niche de quelques petites espèces, c'est répandu chez plein d'espèces différentes. Enfin, l'utilisation de l'outil, quand on regarde les céphalopodes, ils en utilisent des outils. Enfin, le poulpe noix de coco en particulier. Donc, tant qu'on n'avait pas regardé un petit peu plus précisément ces mollusques particuliers, ben, on pouvait rester que chez les vertébrés et se dire ben, c'est que tous les vertébrés sont intelligents ou sont capables de manipuler des outils. Je dirais qu'on trouve là où on cherche. Mais il faut peut-être chercher dans beaucoup plus d'espèces différentes pour avoir notre réponse. Nous, on se pose aussi souvent la question... Alors, dit très simplement, à quoi ça sert de développer des cerveaux aussi complexes, d'avoir des comportements aussi compliqués quand on vit qu'un an ou deux ans ? Ben, je n'ai pas la réponse. Donc là, c'est le labyrinthe qu'on utilise. Alors, il a une forme de Y. Par exemple, le bras à gauche lui donnera l'accès à une belle cachette avec de l'ombre, du sable et des plantes. Et le bras de l'autre côté lui donnera l'accès à la nourriture. Lorsqu'elle est au point de décision du Y, alors là, ce qu'on peut voir, c'est vraiment le point central entre les trois bras du Y. Et généralement, ce qu'on voit, c'est que la sèche s'arrête, hésite un peu et choisit. Il faut imaginer que les sèches mangent énormément. Il y a une croissance qui est extraordinaire. Les premiers mois, elles doublent quasiment de taille tous les mois. Alors on voit que cette sèche-là a très envie de travailler, donc c'est peut-être celle-là qu'on va choisir pour faire l'expérience d'aujourd'hui. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle sort son tentacule de devant, hors de l'eau. Et... Elles sont prêtes à travailler. Donc on va la récupérer. Et on va pouvoir l'emmener jusqu'au labyrinthe. Alors là, je vais lui prendre une crevette pas trop grande pour l'instant. L'idée, c'est de lui proposer des crevettes jusqu'à ce qu'elle arrête de manger. Donc, si elle va manger 10, elle mangera 10. Comme là, elle est cachée, elle n'a plus de difficulté à voir. Oh, voilà. Je lui ai fait peur. Est-ce que toutes les sèches ont les mêmes réactions ? Alors non, toutes les sèches ne vont pas avoir les mêmes réactions dans ce dispositif-là. Parce qu'en fait, il y a des sèches qui vont être beaucoup plus craintives. Donc, même si elles savent qu'elles n'auront pas de nourriture pendant la nuit, elles vont quand même préférer choisir l'ombre. Parce que pour elle, le besoin actuel est plus important que le besoin futur. Et finalement, on est assez content de voir que toutes les sèches ne font pas pareil. Ce qui qui montre bien qu'on n'est pas sur un conditionnement, un apprentissage strict, mais qu'on a vraiment une prise de décision de l'animal par rapport à cette mise en balance. Et c'est pour ça que c'est assez amusant de voir ce temps de décision qui s'allonge le deuxième jour, où des sèches, quelquefois, vont tourner à gauche, se retourner sur elle-même, aller à droite, aller à gauche, changer de couleur, et qui montre bien son état émotionnel assez fort avant de finalement prendre une des deux décisions. Et qu'en est-il pour le monde végétal ? Pouvons-nous vraiment parler d'intelligence avec les arbres ? Catherine Laine, chercheuse en biologie végétale. En ce moment, la grande révolution dans le monde des végétales, c'est tous ces travaux autour de la sensibilité végétale, la capacité qu'ont les plantes à percevoir leur environnement et à y répondre de manière adaptée. Ce sont des choses alors qui ont été initiées depuis 150 ans. Darwin était un grand physiologiste qui a travaillé sur les mouvements des plantes, sur leur capacité à se diriger vers la lumière, à diriger leur croissance vers la lumière, bien sûr. Mais je dirais que depuis une trentaine d'années, on décortique les phénomènes, on comprend, on met en évidence les acteurs et on est en train de se poser des questions sur l'existence d'une intelligence végétale. Maintenant, est-ce que cette intelligence, est-ce qu'on doit absolument la comparer à la nôtre et y voir un reflet de la nôtre? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut parler d'intelligence végétale et peut-être même ne pas utiliser ce mot, je ne sais pas, parce que on ramène un peu tout à notre propre intelligence, essayant de calquer ces capacités, ces compétences sur les nôtres. Et je pense que ça, c'est une erreur. C'est-à-dire, l'idée, on est toujours tenté de faire des analogies, de voir dans l'autre quelque chose qui nous ressemble. Juste un exemple, vous prenez la façon dont les extraterrestres sont représentés depuis toujours dans notre littérature ou dans notre cinéma. L'extraterrestre, ce sera toujours un être monté sur deux ou plusieurs jambes, avec une symétrie bilatérale, avec des yeux pour voir, avec une bouche pour dévorer. Donc quelque chose qui nous ressemble. Un monstre, certes, mais quelque chose qui nous ressemble. Et donc on a toujours du mal à imaginer un être capable, intelligent, compétent, capable de comportement, qui ne soit pas doté d'une intelligence comparable à la nôtre. Frédéric Garcia, vous travaillez sur l'intelligence des plantes. Quel est votre travail vraiment précisément ? Alors, tout d'abord, j'ai un parcours un peu particulier, je ne suis pas biologiste, quoi. Donc je travaille sur l'intelligence des plantes, je m'intéresse à l'intelligence des plantes dans mon laboratoire. Mais j'ai une culture et une activité de recherche qui est issue du domaine de l'intelligence artificielle plutôt, et donc plutôt du monde des mathématiques et de l'informatique. Et en voyant ce thème se développer il y a un certain nombre d'années, de l'intelligence des plantes, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de débats, beaucoup de concepts qui étaient évoqués, manipulés, débattus, et qui étaient des thèmes qu'on avait nous-mêmes dans la communauté intelligence artificielle depuis la création, depuis les années 50-60, et puis moi depuis mon arrivée à la recherche dans les années 80-90, des thèmes qu'on avait beaucoup déjà questionnés, quoi. Et donc je suis parti il y a 4-5 ans sur cette thématique de l'intelligence des plantes, du végétal, en travaillant en me rapprochant de biologistes, quoi, et sur le centre INRA où je travaille, là. Ce que je trouve passionnant avec les plantes, c'est que d'un côté, on a de plus en plus d'expériences ou d'observations qui laissent entendre que les plantes pourraient avoir des comportements qu'on qualifie d'intelligents. Voilà, et je préfère parler plutôt que d'intelligence des plantes. Je préfère parler de comportement intelligent. Je pense que là, on peut s'entendre scientifiquement sur ça. Donc, d'un côté, beaucoup d'observations où on reprend toute la palette des caractéristiques de l'intelligence et à chaque fois, on trouve que finalement, les plantes, il commence à y avoir quelque chose là-dessus. La décision, la mémoire, l'apprentissage, la reconnaissance de signaux, discernement de signaux, etc. Et puis, à la fois, ce que je trouve passionnant, c'est que on est vraiment avec un organisme vivant qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de neurones. Et donc par rapport au débat qu'il y a aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, on a tous vu depuis une dizaine d'années ce virage un peu de l'intelligence artificielle vers le machine learning et les réseaux connexionnistes. Et là, avec les plantes et le végétal, on se retrouve avec des observations de comportements qu'on a envie de qualifier d'intelligents, juste en les regardant. Et à la fois, Ni on imagine qu'il y a du raisonnement symbolique dans la plante, ni on va jusqu'à dire qu'il y a un cerveau et un réseau de neurones dans la plante. C'est encore autre chose. Voilà, et c'est ce qui m'intéresse, quoi, quelque part, c'est creuser cette autre chose. En termes d'exemple de comportement que l'on a envie de qualifier d'intelligent chez les plantes, et c'est en lien avec les travaux que je mène, on a fait aujourd'hui l'observation que les plantes étaient capables de percevoir, de ressentir sans doute des stimulations sonores, des ondes sonores, des vibrations sonores. Ce qui a été montré, c'est assez joli, quoi. On sait que des plantes, quand elles se font attaquer par un insecte, par exemple, commencent assez rapidement à reconnaître par des voies chimiques, généralement, l'agresseur et commencent à mettre en place des défenses moléculaires. Okay. Donc ça, c'est connu, classique. Là, il y a une expérience qui a été faite et qui est assez surprenante, quoi, où en fait, à la place d'un insecte qui vient d'une chenille qui vient grignoter une feuille de plante, on a transmis la vibration qui avait été enregistrée de cet insecte grignotant la feuille. Et on s'est rendu compte que les mesures ont montré que la plante était capable de détecter cette vibration. D'accord. Alors c'est une vibration sonore, mais au contact, hein, c'est un piezo qui est posé sur le mur. Enfin, l'idée c'est qu'on reproduit la vibration de la chenille qui grignote la feuille. Et la plante se met à produire sa défense contre cet insecte, quoi. Alors, et pour nous, ce sont véritablement des signes, des premiers signes de comportement intelligent, c'est-à-dire des comportements de plutôt parfaite adaptation de la réponse à un environnement qui est complexe. Quand on parle d'intelligence, on parle plutôt d'intelligence collective ou d'intelligence distribuée ? Si on doit parler d'intelligence, on est plutôt face à une intelligence diffuse, c'est-à-dire en fait une capacité, une sensibilité diffuse dans tout le corps de la plante. Toutes les cellules vivantes d'une plante sont capables de percevoir et de répondre. Donc on a plutôt la notion d'une intelligence diffuse. Sans intégration, enfin non, c'est pas vrai ça. Sans centre intégrateur, sans cerveau. L'intégration par contre des signaux, elle se fait bien, elle se fait localement au niveau des tissus. Au niveau, par exemple, une plante qui se redresse au niveau de la zone de courbure, au niveau à l'apex, au niveau de la zone d'allongement. Donc ça veut dire qu'il y a des informations qui peuvent circuler à travers tout le corps de la plante. On ne comprend pas bien encore comment l'intégration de ces signaux se fait, mais on constate qu'elle se fait. Et une plante qui se dresse à la verticale, elle intègre à la fois des signaux de perception de la gravité, les signaux de ses propres courbures et les signaux de la lumière. Donc il y a déjà trois grands types de signaux là qui sont perçus par cette plante qui se redresse à la verticale. Ça veut donc bien dire qu'elle est capable d'intégrer ces signaux et de répondre suffisamment pour retrouver la verticale et non pas se courber trop pour faire la bascule, si vous voulez. Donc moi, je parierais plutôt sur une intelligence diffuse, mais le terme d'intelligence me gêne toujours. Moi, je préfère parler effectivement d'une sensibilité diffuse et d'une capacité de réponse intégrée. Est-ce que vous avez un bel exemple d'intelligence collective, les fourmis peut-être ? Alors forcément, j'ai un bel exemple chez les fourmis. J'ai travaillé pendant 10 ans sur les embouteillages chez les fourmis. Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS. Vous avez tous vu des pistes de fourmis, là ça court, on a l'impression que ça n'est jamais bloqué. Donc j'ai essayé de les bloquer et elles ont toujours trouvé un moyen en fait de se débloquer. Il n'y a jamais d'embouteillage chez les fourmis. Et donc c'est vraiment un phénomène d'intelligence collective, c'est que la fourmi, elle n'obéit pas à des règles extérieures comme nous avec nos feux rouges, nos ronds-points, nos autoroutes. Les fourmis, elles réagissent au niveau local et il n'y a rien de mieux que finalement de réagir au niveau local. C'est-à-dire que si nous, on réagissait comme les fourmis, on ne s'arrêterait pas au feu rouge si la voie est libre. On roulerait. Et les fourmis, c'est exactement comme ça. Elles font en fonction de ce qui se passe autour d'elles. S'il y a la place là, ben je vais là. S'il n'y a pas la place, j'y vais pas. Et en fait, en faisant ça, c'est vraiment au niveau local, mais ça se multiplie sur toute la piste et ça fait des trafics extrêmement fluides qui nous font rêver un petit peu. Et c'est un pur produit d'intelligence collective. Parce que la fourmi, elle, au niveau individuel, n'a pas du tout conscience qu'elle est en train d'organiser son trafic, par exemple. C'est vraiment une émergence au niveau collectif qui est codée, en fait, au niveau individuel, mais sans système, en fait, individuel qui sait « Ah oui, il faut que je passe à droite parce que ça va aider. » C'est vraiment au niveau local que ça se passe. Et les fourmis, en fait, elles font un très bon équilibre entre intelligence individuelle et intelligence collective. Une fourmi qui va là sur nourriture, elle peut très bien apprendre sa route. Elle est tout à fait capable de se dire, quand je vois tel repère, c'est à droite, etc. Elle est capable de mémoriser son trajet. Mais elle est aussi capable de laisser une piste chimique au retour pour que les autres suivent bêtement la piste et qu'il n'ait pas à apprendre le trajet. Mais ça ne veut pas dire que la fourmi ne sait pas apprendre son trajet. C'est qu'elle économise sur le moment cet apprentissage-là. Donc pour moi, l'intelligence collective ne se fait pas du tout au dépend de l'intelligence individuelle. Et souvent, c'est vrai que dans les travaux d'intelligence collective, comme souvent on modélise les fourmis, on fait de la modélisation, on les modélise comme des systèmes multi-agents, donc comme des petits robots. En réalité, du coup, les gens ont pensé qu'elles étaient régies par des règles hyper strictes, comme des petits robots. Mais en réalité, non, il y a énormément de plasticité. Et dans notre laboratoire, on a plein de gens qui travaillent justement sur la navigation chez les fourmis. Ces fourmis qui, en plein désert, arrivent à retrouver leur chemin. C'est comme si vous, on vous laissait partir en plein désert, vous allez de faire 40 km et vous devez revenir et votre maison elle est enterrée, donc on ne la voit même pas au sol. Et elles sont capables de le faire parce qu'elles intègrent en fait la lumière polarisée, elles intègrent le nombre de pas qu'elles font, etc. Donc elles sont capables de faire ça. Donc il n'y a pas vraiment un sacrifice de l'intelligence individuelle au profit de l'intelligence collective, c'est juste qu'elles font un bon équilibre entre les deux. Pendant longtemps, pendant plus de 10 ans, je me suis intéressée aux capacités d'apprentissage précoce chez la sèche. J'ai travaillé sur l'apprentissage visuel chez les embryons de sèche. Et là, on est sur un projet avec mon doctorant sur le contrôle moteur des motifs corporels qui permettent à la sèche de se camoufler dans son environnement. Et on essaye de comprendre pourquoi un animal dans un environnement va arborer tel ou tel motif de coloration, sachant que 3 sèches, même 10 sèches placées dans le même environnement, ne vont pas forcément toutes faire le même choix. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas juste une réponse réflexe. C'est pas il y a un caillou blanc, elles affichent un élément blanc sur leur corps. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça fait partie des choses qui nous font des nœuds au cerveau. Donc c'est soit des traits, soit des points, soit des carrés, ou tout ça en même temps. Mais c'est d'une telle complexité qu'il va nous falloir plus d'une thèse pour pouvoir répondre à ces questions-là. Ces sèches ont l'air un peu plus déjà âgées et un peu plus expérimentées. Puis on voit que dès qu'on s'approche, elles changent de couleur, elles se mettent vraiment à fleur de l'eau et elles me regardent en me sollicitant. Alors ça, ces sèches-là sont très habituées à travailler parce qu'on leur propose des choix tous les jours. En fait, on leur propose des petits tubes en verre avec différents motifs qui ont différentes significations pour la sèche. Donc là, elles savent qu'il faudra choisir un motif ou un autre pour pouvoir avoir une récompense. C'est pour ça qu'elles sont très contentes de nous voir, parce qu'elles pensent qu'on va leur proposer cette tâche-là. L'idée, c'est qu'après, on va aller sur une étape un peu plus complexe où on explore ce qu'on appelle la création de faux souvenirs. Ce qui est important de savoir, c'est que la mémoire, c'est une reconstruction. Lorsqu'on se souvient d'un événement de notre passé, on va se souvenir de plein d'éléments différents. Et c'est notre capacité à rassembler au même endroit un maximum d'éléments qui fait que notre souvenir sera très clair ou au contraire un petit peu flou. Et lorsqu'on va avoir deux événements de notre passé qui ont beaucoup d'éléments en commun, il arrive qu'on se crée nous-mêmes des faux souvenirs parce que ces deux éléments ayant trop d'éléments en commun, on finit par en créer plus qu'un seul entre ces souvenirs-là. Et pour remontrer cette construction chez les sèches ici, on va essayer de créer chez ces sèches-là des faux souvenirs. Donc en fait, on va leur proposer une situation où elles ont vu des crevettes avec un motif, par exemple, des petites rayures. Puis on va leur montrer un événement où elles auront vu un autre type de proie, par exemple des crabes avec un autre motif. Et si on leur remontre le premier événement mais avec une odeur de crabe, elles vont finir par croire qu'avec ces rayures-là, il y avait quand même du crabe et pas de la crevette. Elles vont finir par mélanger les deux parce qu'il y avait trop d'éléments en commun et finir par choisir, par faire finalement un mauvais choix. Pour nous, c'est extrêmement important d'étudier effectivement tout ce qui est mémoire de ces événements de son passé, qu'on appelle la mémoire de type épisodique, et aussi les éléments de son futur, donc on appelle les capacités de planification, de se projeter dans le temps, soit vers le passé, soit vers le futur. Et beaucoup de chercheurs pensent encore actuellement que l'animal est ancré dans le présent, comme s'il était englué dans le présent, incapable de partir dans le passé ou être dans le futur. Et l'humain serait, d'après eux, la seule espèce animale capable d'avoir ces voyages mentaux dans le temps. Et vous démontrez qu'avec ces sèches, ce n'est pas le cas. On a montré qu'une sèche est capable de savoir ce qu'elle a mangé où, depuis combien de temps, savoir si en fonction du temps écoulé, la proie elle a eu le temps de se renouveler ou pas. Donc savoir avoir une perception du temps qui s'écoule. Et en fonction du temps, eh bien, si le temps est trop court, elle sait qu'elle ne va pas retourner au même endroit parce que c'est un endroit bien pour avoir la nourriture, mais finalement, ce n'est pas assez long pour le renouvellement des proies. Ou savoir que c'est suffisamment long pour y retourner aussi. Et donc, on a toutes ces perceptions du temps qu'on a réussi à mettre en évidence chez les céphalopodes. C'est important parce qu'on imagine qu'un animal qui est capable de faire ça peut, par exemple, souffrir par anticipation d'un événement qu'il n'a pas vécu. Parce que se projette dans son futur et un peu comme nous qui sommes angoissés parce qu'on va avoir un événement un peu stressant qui va arriver prochainement. Si on vit dans le présent, on n'a pas ce type de souffrance. Un animal qui va être en élevage peut anticiper des souffrances à venir ou revivre encore et encore des souffrances de son passé. Donc finalement, en termes de perception du bien-être de l'animal, ça a des conséquences qui sont extrêmement importantes. Alors, les céphalopodes ont 500 millions d'années d'évolution derrière eux, donc ils ont traversé toutes les grandes étapes de l'évolution. Et est-ce que c'est toujours pareil, hein, est-ce que ces comportements-là et les individus qui avaient ces cerveaux peut-être en voie de complexification qui ont réussi à survivre, qui ont donc réussi à se reproduire et qui ont transmis ce caractère-là aux générations futures? Donc c'est l'évolution qui a dit ça fonctionne bien, ça permet d'échapper aux prédateurs. Les céphalopodes ont évolué à côté des poissons dans l'environnement aquatique, qui sont à la fois des proies et à la fois des prédateurs. Donc on a longtemps dit que c'était cette coévolution entre les poissons et les céphalopodes qui a conduit au développement de systèmes sensoriels complexes, puisque les yeux des céphalopodes sont quand même assez ont une structure différente de celle des yeux des coquilles Saint-Jacques ou des récepteurs visuels qu'on trouve chez d'autres mollusques. Donc cette coévolution fait que les individus qui avaient des cerveaux les plus complexes, leur permettant d'avoir des comportements complexes et des systèmes sensoriels complexes, sont ceux qui ont pu passer les différentes étapes de l'évolution. C'est quoi l'histoire évolutive du système nerveux ? En fait, le système nerveux nous a fascinés à partir du cerveau humain. Gilles Boeuf, biologiste. On veut étudier le système nerveux de tout ce qui existe à partir du cerveau humain. Ça n'a pas de sens. Le cerveau humain est venu bien après. Il est parti de ces choses ancestrales. Alors, on s'est beaucoup intéressé, nous, à des molécules chimiques extraordinaires qu'on appelle les neuromédiateurs, qui sont des petites molécules, qui sont liées à la fois à la transmission de l'influx nerveux. Il y a eu un magnifique prix Nobel, Hodgkin-Oxley en 63, ou un prix Nobel, parce qu'il trouve comment se transmet l'influx nerveux. Et là, ça va revenir au côté merveilleux que j'évoque souvent, en étudiant le nerf de Calmar. Pourquoi de Calmar? Il est 1000 fois plus gros en section qu'un nerf humain. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est génial. Et ça a permis effectivement aux humains de comprendre des choses qu'on n'arrivait pas avec les moyens de l'école à comprendre. Et le modèle mathématique qui met au point en 1956 est toujours d'actualité. Sodium, potassium, tout le long de la membrane. Donc le système nerveux, il est parti dans un système extraordinaire, effectivement, de transmission d'électricité, en fait, d'un organe à l'autre. Et puis rapidement, pratiquement au même moment, la transmission via des petites molécules, ces fameux neuromédiateurs, extrêmement spécifiques. Ce qui veut dire que on élabore dans un morceau de l'organisme quelque chose qui va circuler le long d'un nerf, donc très vite, bien sûr, mais qui va cibler une cellule qui ne reconnaît ça et que ça. C'est le couple récepteur-hormone. Et ça va tout changer. Donc, les hormones, ça marche très bien, mais ça prend un certain temps. Le courant électrique, ça marche bien, mais c'est pas très spécifique. Je peux faire bouger un membre de grenouille avec du courant électrique. C'est pas spécifique du tout. Et ces aspects de neurosystème qui permettent effectivement d'associer à la vitesse du transfert électrique la spécificité des hormones que j'évoquais tout à l'heure. Donc, le tissu nerveux, c'est un tissu qui a été mis en place. Alors, quand est-ce que ça commence, en fait, chez les animaux, c'est vieux, hein. Dès les premiers, en fait, on trouve des choses extraordinaires. Mais même si vous prenez des petits vers du sol, ils ont des cellules nerveuses super intéressantes. Elles permettent de capter les variations de l'environnement et de permettre à l'organisme de trouver une réponse organisée et utile dans l'environnement qui change, en fait. Et puis après, bien sûr, ça s'est développé vers des systèmes beaucoup plus importants. Moi, je prends le cas des langoustes qui ont été beaucoup étudiées. Elles ont des plexus. Donc, elles ont des régions de l'organisme où il y a effectivement une accumulation de cellules nerveuses. Puis, c'est pas un seul cerveau, il y en a un petit peu partout. Ça dépend vraiment des espèces. Les céphalopodes sont extraordinaires, par exemple. D'abord, leur taille. De très loin, c'est les plus grands invertébrés qui existent. Un calmar géant, ça fait 14 mètres. On est sur des tailles de grands mammifères, c'est beaucoup plus gros que les oiseaux. Donc, c'est vrai que ce groupe, il est fascinant. Et le système nerveux est absolument passionnant. Les yeux sont incroyables, en fait. On se rend compte que le vivant a essayé des tests comme ça, peut-être au cours du temps. Ce que disait Mono, le bricolage de l'évolution et de la génétique. Et puis, on le laisse de côté pendant un certain temps, puis c'est réapparaît quelque part après. Moi, je suis ouvert à tout. En tout cas, des cellules nerveuses, il y en a depuis très très longtemps, en fait, dans le système, bien sûr, des animaux. L'intelligence n'est pas un caractère simple, unique, qui se définirait en disant il y a un moment dans l'évolution où l'intelligence est apparue. Ça ne s'est pas produit comme ça. Il y a des moments dans l'évolution où les systèmes nerveux se sont développés. Et donc l'interaction avec le reste du monde a été amplifiée. Mais ça ne s'est pas passé à un moment, ça s'est passé à plusieurs moments et de manière indépendante dans différents groupes. Ça s'est passé indépendamment chez les mollusques avec les céphalopodes, par exemple, qui ont un cerveau, un système nerveux central assez développé. Si vous comparez une moule avec une pieuvre, vous avez l'impression que c'est pas du tout le même animal. Et pourtant, on est dans le même groupe. Ils ont un ancêtre commun qui est un ancêtre commun de tous les mollusques. Après, vous pouvez passer chez les insectes ou chez les arthropodes en général, en incluant les araignées et les scorpions. Mais chez les insectes, vous avez des comportements collectifs qui s'apparentent à une forme d'intelligence. Qui sont une forme d'intelligence, d'ailleurs. Et puis, vous avez les mammifères. Dans les mammifères, vous avez les primates, mais vous avez aussi les carnivores. Vous avez d'autres types de mammifères qui ont un cerveau suffisamment développé, un système nerveux central assez développé, avec une certaine forme d'intelligence. Vous avez les oiseaux, également, qui montrent des comportements que nous, on qualifie d'intelligence, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'utiliser des outils, par exemple, de former des outils même. On a des expériences avec des corvidés qui vont tordre des brindilles pour leur donner une forme de crochet, de manière à aller chercher de la nourriture. On a fait beaucoup de tests en éthologie sur le comportement animal et on s'aperçoit qu'il y a des animaux qui ont des comportements élaborés, que je qualifierais d'élaborés, plutôt qu'intelligents. Pour moi, un être vivant, quel qu'il soit, bactéries, champignons, plantes, animal, et à travers ces catégories ou ces grands taxons, les différentes espèces et les différents individus sont tous des formes extraordinairement adaptées à leur milieu. Alain Prochian, chercheur en neurobiologie. Le milieu change. Alors, il y en a qui seront capables d'évoluer pour s'adapter au milieu qui change. Il y en a qui subiront complètement ce changement de milieu. Et je pense que Sapiens est capable, parce qu'il est intelligent, d'une certaine façon, il a la connaissance. Il est capable de produire des connaissances scientifiques. Sapiens va à la fois détruire son environnement, et ça, on ne peut pas dire le contraire, chacun le voit tous les jours. Mais en même temps, il est capable d'inventer les outils qui vont lui permettre de s'adapter à ce milieu que lui-même contribue à faire changer, mais qui pourrait changer sans lui. Le milieu peut évoluer indépendamment de Sapiens. Donc, c'est l'histoire de l'évolution. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé. Il n'y a personne qui a décidé qu'on allait faire des poulpes simples et des sapiens compliqués. Il s'est trouvé que le processus de sélection naturelle, d'évolution, a poussé des formes animales dans tous les sens, et que il y a eu des poulpes et qu'il y a eu des sapiens. Et moi, je ne fais pas de hiérarchie, là, dans l'évolution. Je constate simplement que c'est Sapiens qui écrit sur les poulpes, et pas les poulpes qui écrivent sur Sapiens. Et ça, je ne pourrais pas dire le contraire. Antoine Balzo, il y avait une hypothèse comme quoi le cerveau humain aurait rétréci de taille parce qu'il avait confié en gros son intelligence individuelle au service, enfin à l'intelligence collective. Alors pendant un moment, il y a eu l'idée que nous étions auto-domestiqués, en faisant un parallèle avec les vaches, avec les chiens, avec tous les animaux qu'on domestique, qui sont des versions un peu miniatures de l'animal de départ. Et donc avec cette idée que l'humain aurait fait la même chose avec lui-même. Sont des parallèles qui ont un sens, en effet, d'un point de vue biologique, mais c'est impossible de démontrer un lien de causalité. Et en effet, récemment, une autre hypothèse a été de dire que notre lien social plus fort aurait eu un peu le même effet que chez les fourmis qui ont un tout petit cerveau et pourtant des capacités collectives importantes. Il a été proposé que nous aurions un cerveau plus petit aujourd'hui par la contribution de la collectivité qui permettrait d'avoir tous ensemble une intelligence commune plus grande. Alors ça, c'est absolument indémontrable. En effet, il y a un parallélisme, mais scientifiquement, c'est réellement indémontrable. Pour moi, vraiment, ce qui est important au cours de notre évolution récente, c'est qu'on voit cette différence de stature et de gabarit entre les humains du passé et ceux d'aujourd'hui, que les humains du paléolithique sont une frange de la variabilité d'Homo sapiens qu'on n'observe plus aujourd'hui, ce qui explique donc en partie cette taille un peu plus importante. Et à l'inverse, en ce qui concerne les capacités, moi je suis vraiment convaincu, en regardant la production des Néandertaliens ou des Homo sapiens d'il y a 40 ou 50 000 ans, que ces humains-là, individuellement, avaient des capacités cognitives, une intelligence du même ordre que la mienne. Et que si aujourd'hui on est capable de faire une émission de radio en plein air qu'on diffusera ensuite et que tout le monde écoutera, c'est pas grâce à nos capacités individuelles, c'est grâce aux capacités collectives, mais surtout à notre possibilité d'enregistrement de l'information et de la connaissance. Il y a eu l'apparition de l'écriture, qui a été une étape importante, l'imprimerie, l'informatique, tous ces progrès technologiques qui nous permettent de stocker toutes ces connaissances et d'y avoir accès constamment. Et donc, ce n'est pas simplement les liens sociaux qu'on a entre nous aujourd'hui, mais cette capacité d'accès à une masse de connaissances extrêmement importante qui nous permet d'avoir une intelligence collective plus importante, mais qui n'a rien à voir avec notre intelligence en tant qu'individu. Est-ce que les plantes apprennent ou tout est dans les gènes? Ce qu'on a pu voir, c'est différentes études, dont celles que nous avons menées au laboratoire, qui montrent que une plante, nous c'est sur donc des jeunes arbres, modifie leur réponse à un facteur de l'environnement, à une contrainte, suite à un apprentissage. Alors je vous explique. On étudie la façon dont les arbres perçoivent le vent et répondent à cette perception du vent au cours de leur croissance. Donc, en gros, comment ils poussent dans le vent, si vous voulez. Et on a montré que un jeune arbre répond à une flexion de sa tige de manière très rapide. Et si on fait deux flexions successives, comme si on faisait deux coups de vent, le deuxième coup de vent, l'arbre, le même, toujours le même, ne répond pas. Ça veut dire qu'il a modifié, en fait, son seuil de sensibilité très rapidement après la première flexion de vent, et il ne répond pas à la deuxième flexion qui est la même, comme, entre guillemets, comme s'il économisait ses forces pour ne pas répondre à chaque coup de vent, si vous voulez. D'autre part, ça c'est des études sur des jeunes arbres, et on a aussi mené des études en forêt sur des grands arbres, des arbres qui font jusqu'à 15 mètres de haut, et on a montré que ces grands arbres-là ne répondent plus au vent courant, les vents journaliers, qui sont relativement faibles, il n'y a aucune réponse de leur part, alors qu'ils sont fléchis, qu'ils sont quand même agités par le vent, et ils ne vont répondre que lorsque les coups de vent sont très forts, c'est-à-dire ils vont répondre à des coups de tempête. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le jeune arbre de quelques mois et l'arbre de 15 ans dans sa forêt, il y a un processus d'apprentissage au cours de la vie, cet apprentissage entre guillemets, qui est en fait une modification du seuil de sensibilité de l'arbre au vent, qui lui permet de ne pas surrépondre à chaque sollicitation du vent, S'il répondait à chaque sollicitation du vent, finalement, il ne pousserait pas en hauteur. Hein, parce qu'une des réponses au vent, c'est d'arrêter la croissance en hauteur et d'augmenter la croissance en épaisseur. Donc, on n'aurait jamais de forêt, on n'aurait jamais d'arbre dressé vers le ciel si l'arbre répondait à chaque coup de vent. Donc, pour aller dans le sens de votre question, est-ce que les plantes sont capables d'apprendre ? Oui, on a montré, par ces manip-là, puis il y en a plein d'autres, qui montre qu'une plante peut modifier son niveau de réponse, donc son comportement, selon son expérience vécue, donc selon ce qu'elle a appris. Vous savez, les Grecs avaient un terme pour définir ce que je pense que vous appelez là. Ils appelaient ça la métisse, c'est-à-dire la ruse. Et vivre, c'est aussi être rusé. Alors, peut-être que dans l'intelligence, il y a effectivement la ruse qui est un élément important pour vivre et survivre. Là, si on utilise le mot ruse et métisse, je m'y retrouve, plus que intelligence. À cause sans doute de tout ce que j'ai entendu dire sur l'intelligence, qui est devenue pour moi une notion pas facile à utiliser, un peu fourre-tout. Mais c'est très pratique, parce que quand on dit, voilà, il est intelligent, on a une idée quand même immédiate de ce que c'est. C'était Le génie du vivant avec Christelle José Alves, Bruno David, Michel Kreutzer, Ludovic Dickel, Étienne Bambonnet, Yves Christen, Anne-Sophie d'Armagnac, Catherine Laine, Frédéric Garcia, Audrey Dissoutour, Gilles Boeuf, Alain Prochain et Antoine Balzo. Avec la voix d'Agnès Roux, prise de son Geoffrey Marianne, Georges Otto, Lucien Lefebvre, Florent Bajon. Mixage, Manuel Couturier. Coordination, Perrine Kervran. Attachée d'émission, Marie-Vanna Bolivier et Anaï Morales. Un documentaire de Franck Bessière, réalisé par Anne Fleury.